Chapitre 11e, la photographie. Je reviens à la maison, enfin, chez Gilda, je veux dire, avec le cœur gonflé d'espoir et de reconnaissance pour ma hiérarchie. Ce ne sont pas de mauvais bougres, finalement. Je brûle d'annoncer cette bonne nouvelle à ma brune et de fêter ça avec elle. Malheureusement, la gêneur vient me gâter mon plaisir. Dès que j'arrive devant le bar avec la voiture de Mimille, j'aperçois un cabriolet Lancia garé non loin. Nul doute, c'est ce pourri de Costanza qui vient encore nous tourmenter. Je décide de garder mon calme et de le laisser venir. De toute façon, en y réfléchissant de près, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait prouver. S'il se met à cafeter, ce sera ma parole contre la sienne. Le Mario est établi en terrasse, plongé dans la lecture du méridional. Je m'aperçois en face de lui et le détaille pendant qu'il replie son journal. Chemise MacGregor bleu ciel, de coupe impeccable, jean taille basse, délavé juste à point, une splendide Breitling au poignet, le Dunhill en or sur la table voisinant les éternels Ray-Ban. Et plus, et je suis loin d'être pédé, ce mec est indéniablement beau. Un peu empâté, mais elle est très régulier, le type du Borital qui plaît aux femmes. Moi aussi, je ne suis pas mal dans le genre latino, mais je dois reconnaître qu'il a une certaine classe. Je pense qu'il ne doit pas être aussi nunuche que je l'ai catalogué de prime abord. Alors, commissaire, tout va comme vous voulez. Et vous, monsieur Costanza, les affaires ont l'air de marcher comme il faut. À l'audition de son nom, le Rital n'a pas bougé un cil. En prenant une palme mal, il me fait. Je vois que vous n'avez pas perdu la main. Vous m'avez logé, comme vous dites. Et vous devez donc savoir que je n'ai pas de casier. Je sais, je sais. Vous buvez quelque chose? Vous êtes mon invité. Puisque c'est vous qui régalez, je prendrai bien un whisky. Tiens, mais nous avons des goûts communs. J'ai du Glenlivet, c'est ma marque préférée. Il faut que j'aille le chercher dans la cuisine. Glaçon ou sec? Glaçon, mais juste un. Nous savourons en silence la première gorgée en regardant le port. Puis je prends les devants. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? D'une enveloppe à 5 posée sur la table, Costanza sort 3 formats 15-21 qu'il me pose sous mon nez. Regardez d'abord, me dit-il. À la vue de la première photo, je manque m'étrangler. Et je dois prendre une lampée de whisky pour desserrer l'étreinte de mon gosier. Sur cette photo, on aperçoit l'avant de l'Alpha sortant du garage d'Étienne et Mézig ouvrant la portière à la lueur chétive du réverbère. La photo est sombre et un peu bougée, ce qui empêche de lire l'immatriculation de l'Alpha, mais je suis tout de même facilement reconnaissable. On aperçoit Marcel sur la gauche. La deuxième photo nous montre Marcel et moi derrière la maison du bar, devant la porte de la cuisine. L'Alpha et la Mini sont garés côte à côte et on peut voir nos deux corps penchés sur une forme qui pourrait être un gros sac de marin ou n'importe quoi. On peut facilement identifier le modèle des voitures, mais les personnages sont un peu flous. Nom de Dieu, je n'avais pas pensé à l'allure des plafonniers des deux bagnoles. La dernière photo constitue l'apothéose de ce triptyque. On me voit descendre de l'Alpha côté passager alors qu'une forme se trouve à la place du conducteur. La bagnole est garée au milieu de la route, on reconnaît les parois rocheuses qui encadrent la chaussée et se découpent sur la pâleur du ciel. Au fur et à mesure de l'étude des photos, j'ai pris la dimension du péril qui me menaçait et la boule d'angoisse est descendue avec le fond de Glenlivet. Très calme, je lui fais « Il n'y a pas à dire, vous êtes un pro, objectif de 200 mm au moins, d'excellente qualité, à grande ouverture, ce qui est cher, pellicule ultra sensible, 3200 ASA peut-être ?» Photo prise au 15e de seconde, maxi. Et je vois que vous y tâtez vous aussi. J'étais formé à l'école des paparazzi. C'est mon premier métier. J'étais spécialisé dans ce genre de photos en faible lumière. Vedette sortant de boîtes de nuit ou de casino. Espionnage derrière des fenêtres de chambres d'hôtel. Bref, les photos qui permettent de vivre à moi quand on en prend une. Et vous voulez que je vous fasse vivre combien de mois? Attendez, je n'ai encore rien dit. Vous plaisantez. D'abord, ces photos ne prouvent absolument rien. Elles sont floues et trop sombres. Je vais quand même vous donner quelques explications, surtout si vous êtes en chez ma soif, fait-il en tendant son verre. Je vais rechercher des glaçons, juste une minute. Je fonce dans la chambre et redescends avec mon matos photo. J'avise Marcel qui prépare des poivrons grillés dans la cuisine. Tout en prenant les glaçons, je lui fais « Tu sais prendre des photos, Marcel ?»« Ouais, je n'ai pas tout un intérêt comme toi, mais j'y tâte un peu. » Parfait. Alors laisse tomber tes poivrons, Gary, et tu vas mater le gars en terrasse. Mets-toi dans la 4L de Gilda. Je vais essayer de lui faire prendre une enveloppe. Au moment précis où il la prend, tu mitrailles. Si tu le rates, je te pourris. Capiche? Il te fait chanter, ce con. Pas besoin de répondre. Vraiment, Marcel, c'est un bon. Je repars en terrasse, armé de mon bol de glaçons. Cette fois-ci, je ne lésine pas sur la dose, on ne sait jamais. Des fois qu'il supporte mal l'alcool, ça pourrait servir. Une fois le verre plein, il se cale dans son fauteuil et me raconte son histoire. Les photos, c'était pour vous faire comprendre que je ne raconte pas n'importe quoi. Antonio, c'est le gars qui est venu ici. Il était chez moi depuis 2 jours. Je l'avais fait revenir d'Italie où ses conneries lui avaient raréfié l'air sain. Dans la soirée, il a commencé à péter les plombs et il s'est cassé en prétendant trouver du flouze. « J'ai pas besoin de toi », qu'il m'a dit. Je l'ai laissé partir avec la voiture qu'il avait volée la veille, mais je l'ai suivi à distance. Nous avons atterri ici. Je l'ai vu rentrer dans le bar juste au moment où une fille fermait le rideau. Je me suis planqué et j'ai attendu gentiment qu'il ressorte. Mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'il devait être en train de se farcir la fille et de joindre l'utile à l'agréable. Vers 10 heures du soir, j'ai commencé à me demander ce qu'il pouvait bien faire. Quand j'ai vu votre copain le gros qui déplaçait la voiture d'Antonio et qui la planquait dans un garage, je me suis douté qu'il y avait un lézard et que ça devait être Antonio qui avait des problèmes et pas la fille. Je suis rentré chez moi pour manger un morceau et roupiller un chouïa et dès 7 heures du matin, j'étais ici en planque pour essayer de comprendre avec mon barda de paparazzi. Dans le bar, tout avait l'air normal, sauf la fille qui avait les traits un peu tirés. Et cette fille, enfin votre femme, je l'ai reconnue. Elle avait un rade à salon et Antonio en était complètement marteau. Elle n'a jamais rien voulu savoir et Antonio, ça l'a rendu fou. Il a fait des conneries et je l'ai envoyé prendre l'air dans la famille pour se faire oublier. Alors j'ai tout de suite compris qu'il y avait une engatte. Et quand je vous ai vu radiner sur les coups de 11 heures du mat, je me suis dit « Mon petit Mario, ça sent mauvais pour eux. Il faut pas que tu rates quoi que ce soit. » Et vous voyez là, déjà j'ai compris que je reverrai plus mon frère. Eh oui, parce que c'était mon frère que vous avez refroidi, même si on s'entendait pas trop. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? J'avais mieux à faire pour venger le frangin. Vous faire manger dans ma main. J'ai attendu jusqu'au soir et je vous ai pisté, votre copain et vous. Quand je suis rentré vers 2 heures du matin, j'avais le blues à cause de la mort de mon frère, mais je tenais ma vengeance. C'est bien joli tout ce que vous me racontez, mais encore faut-il qu'on vous croie. Qu'un procureur et un juge vous croient. Je replace doucement les photos dans l'enveloppe Kraft et je l'attends à Mario. Au moment où il la prend, je la retiens un peu et lui glisse. « Tenez, je vous rends vos photos. » Je pense à Nikon. Tchik, tchik. Si Marcel m'a raté ce moment, je le scalpe. J'ai presque envie de dire à Mario que moi aussi j'ai de très belles photos de lui dans sa belle voiture devant la villa. Mais je risquerais de compromettre toute la traque qui va suivre du côté de l'enquête. « Alors, combien ?» je demande. « Pour l'instant, rien. Je garde ces photos comme monnaie d'échange. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et on n'est jamais trop prudent. Mais vous réalisez quand même que c'est du chantage, même si vous ne me demandez pas de pognon. Bien sûr, mais vous n'avez aucune preuve que je vous fais chanter. Ah, qui le ça ? Et pour le saccage de mon appart, comment je fais ? Vous l'avez compté dans l'addition ? Alors là, j'aurais craché, je n'y suis pour rien. Vous ne croyez tout de même pas que je vais m'abaisser à ces pratiques de barbare ? Ouvrez vos yeux, réfléchissez et cherchez ailleurs. Il se lève avec l'enveloppe dans la main et s'étire comme un mec très satisfait de lui. « Allez, je vais rentrer, » fait-il. « Je ne vous serre pas la main, mais je vous dis à bientôt, ok ? Ciao ! Mais méfiez-vous de moi. J'ai aussi la réputation d'être putassier et rancunier. On est fait pour s'entendre, commissaire. » Il me plante là, avec une question qui me taraude la cervelle comme un fer rouge. Gilda m'a raconté des craques. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit la vérité tout de suite ? C'est un sacré coup de canif dans notre relation que je croyais sans nuage, moi, confiant comme un naïf que je suis. Maman me disait souvent, « Méfie-toi des femmes, belle, elles sont fortes, tu verras. » Eh ben voilà, je vois. Première ratée dans cette belle mécanique que j'ai cru avoir mise sur pied. Mais je te garantis qu'elle va me lâcher le morceau. Le coup du racket et mon œil, c'était du pipeau. Ce soir, ça va chauffer, je le sens et j'y compte bien. Ah, mes garces, tu vas me payer ça. Alors que j'en suis à ruminer ma rancune et ma colère, Marcel pose mon icône sur la table. Voilà, fiston, tu vas être content, à moins que tu merdes le développement. Pour ça, t'inquiète, j'ai mon copain Pécoule. J'ai mitraillé et normalement il doit y en avoir une où tu tiens l'enveloppe et une où vous la tenez tous les deux. Impec. Je les montrerai. Normal, non ? À la fin de la dorade au four, j'entreprends Gilda sur ce que je n'ai pas digéré tout à l'heure. Dis-moi, tu savais que le gars de ce matin était le frère d'Antonio ? Non. Laissait-elle tomber du bout des lèvres de peur que le mot fasse un trou dans la table. Alors tu savais qui était Antonio, puisque tu ne m'as pas posé de questions. Oui, je sais. C'est tout ce qu'elle a le front de me répondre. Je commence sérieusement à voir les kiwis qui chauffent. Nom de Dieu, tu vas me la dire la vérité avant que je m'énerve ? Ce n'est pas la première fois que tu le voyais, hein ? Écoute, mon beau, me dit-elle calmement. Plus tu cries, et moi j'en dirai. Tu sais comme je suis testarde. Je me rends compte que tu ne m'as appelé que pour faire le sale boulot et que j'ai marché dans la combine comme un con. Non, tu te trompes. Calme-toi et écoute-moi d'abord. Ce mec venait régulièrement dans mon bar à salon. Il était dingue de moi, mais rien que de le voir, j'en avais la nausée. Plusieurs fois, il a essayé de me chasper. J'ai même collé un emplâtre, une fois. Il était comme fou. Il m'a même tiré dessus. Heureusement que, broc comme il était, il m'a raté. Trois clients lui ont mis une grosse tête et on a pu étouffer l'affaire avec la police. Mais je lui ai juré que s'il revenait, je lui ferais la peau. Il a été se faire voir à Dash et j'en ai plus entendu parler, jusqu'à l'autre jour. Il est revenu à la charge. Un peu, oui. Il m'a carrément sauté dessus et il m'a menacé de me couper le cou si je ne me laissais pas faire. Alors j'ai tenu ma promesse, dans la colère, je l'ai viandé. Il ne voulait pas te racketter. Mais non, tu parles. C'est moi qu'il voulait. Seulement une fois que j'ai le macabre à mes pieds, j'ai paniqué. Heureusement que Marcel est arrivé. Et qu'est-ce que tu lui as raconté à Marcel ? La même chose qu'à moi ? Oui, bien sûr. Et tu m'appelais juste pour faire le sale boulot, moi qui croyais que... Mais non, tu ne comprends rien. Laisse-moi t'expliquer. Ce soir-là, j'ai tout de suite pensé à toi en premier. Je n'ai pas osé te téléphoner tout de suite, mais tout d'un coup, j'ai eu besoin de toi, pas pour me débarrasser du mort, mais pour me protéger et me rassurer. Après, et seulement après, j'ai pensé à ma mère. J'ai pris conscience de la place que tu avais dans ma vie, et je me suis dit que tu étais un mec bien, qu'il n'y avait aucune raison de laisser passer cette chance de faire ma vie avec toi. Ah oui ? Fais-je d'un ton encore incrédule. Je te rappelle que quand tu es arrivé, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui as imaginé de se débarrasser du cadavre. Moi, j'ai laissé faire mon homme, car pour moi, tu es devenu mon homme, dit-elle en me prenant la main. Mais pourquoi m'avoir menti au sujet d'Antonio ? Parce que j'étais sûr, et je le suis toujours, que tu croirais que je l'avais cédé au moins une fois. Et je ne voulais pas que tu aies de moi une image salie. Je t'aime, Gino, tu sais. Et puis, si tu ne veux pas me croire, eh bien, tu ne me crois pas, c'est tout. Elle se lève et commence à se débarrasser, les yeux baissés. Ça s'est terminé contre l'évier. Moi, essuyant ses larmes avec ma langue et fourrageant dans ses cheveux pour lui masser le crâne. Après, lecteur, tu n'as pas besoin de connaître le score du match. En fin d'après-midi, sonnerie du téléphone. C'est Gigi qui répond. Oui. Vous êtes là. Enfin, est-ce que je pourrais parler à M. Volpi ? S'il est là, bien sûr. Gigi me fait signe de prendre le téléphone. Ah, c'est vous, monsieur le directeur. Le ministère a décidé de vous réintégrer à compter de demain. On a bien besoin de vous, Volpi, en ce moment. Surtout que je me suis laissé dire que vous étiez sur une enquête. J'ai décidé de vous la confier, vu que vous êtes le mieux placé pour cela. Dès maintenant, vous pouvez vous considérer en service. Vous verrez demain votre équipe. J'essaie de vous adjoindre des gars que vous connaissez déjà. Après des remerciements à ras de terre, des salamalecs en poulet, des promesses solennelles de bonne conduite et de résultats, je raccroche pour pouvoir enfin laisser éclater ma joie. Dès maintenant, je vais donc pouvoir organiser la souricière qui va nous permettre de serrer les rats de l'impasse des Tamaris. Pas de temps à perdre.